Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un groupe armé qui a terrorisé l'Espagne pendant des décennies, l'ETA. Trois lettres pour une devise, Euskadita Askatasuna, autrement dit Pays Basque et Liberté. Le mouvement, né en 1959 sous la dictature franquiste, a lutté pour l'indépendance du Pays Basque. Inspiré par les guérillas menées à Cuba, en Algérie, au Vietnam, les militants de TA débutent en 1968 une vague d'enlèvements, d'assassinats et d'attentats. En quatre décennies, ces opérations terroristes feront 829 morts, dont près de 350 civils. Après des dizaines de trêves, de cessez-le-feu et de négociations avortées avec le gouvernement espagnol, le mouvement séparatiste basque officialise sa dissolution le 4 mai 2018 et met ainsi fin au dernier conflit d'Europe occidentale. Nos invités aujourd'hui, Mireille Lemaresquier, journaliste et ancienne correspondante pour Radio France à Madrid, et Gorka Landaburu, journaliste et directeur de l'hebdomadaire espagnol Cambio 16. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Cayenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Je ne sais pas si c'est beau de mourir pour le Pays Basque, mais il y a des Basques qui meurent pour le Pays Basque et qui acceptent de mourir. Et même de tuer, c'est vrai, pour le Pays Basque de l'autre côté. Mais je crois qu'il n'y a plus un Espagnol qui veut mourir pour l'unité de l'Espagne. Tuer et mourir pour le Pays Basque. Pendant des années, des milliers de jeunes en ont fait leur idéal. Un idéal alimenté par un rêve, l'indépendance et la création d'un pays regroupant les sept provinces basques traditionnelles. Un territoire allant de l'Ebre à l'Adour, des deux côtés des Pyrénées, avec le golfe de Gascogne comme ouverture sur l'océan. Une nation avec une langue, un hymne, un peuple et un drapeau. Et par-dessus tout, un pays basque libre de la tutelle espagnole et française. Voilà. C'est ce projet qui a poussé de nombreux Basques à rejoindre les rangs de l'ETA pour commettre assassinats, attentats et enlèvements au nom de la cause. Le 20 octobre 2011, le dernier groupe politique armé de l'Union européenne envoie une vidéo à plusieurs médias. La mise en scène est classique. On y voit trois militants clandestins attablés, cagoule blanche et béret noir sur la tête. Derrière eux, une affiche siglée ETA, avec le slogan « Bietan Jarai », qui signifie « Continuer dans les deux voies ». On distingue également le symbole de l'organisation, un serpent enroulé autour d'une hache. Le serpent représente la voie politique, la hache est synonyme d'action militaire. Lorsque l'homme masqué du centre prend la parole, c'est pour faire une annonce historique. L'ETA a décidé l'arrêt définitif de son activité armée. L'ETA lance un appel au gouvernement d'Espagne et de France pour ouvrir un processus de dialogue direct et pour résoudre le conflit. L'adieu aux armes est donc aux larmes. Les Espagnols en rêvaient depuis des années. Mais dans les rues du pays, on reste sceptique. On ne sait jamais parce qu'ils ont déposé les armes plusieurs fois et à chaque fois ils ont recommencé. Un espoir, une joie et en même temps une méfiance compte tenu du fait qu'il y a eu plusieurs processus de paix donc qui n'ont pas fonctionné et donc il y a une volonté d'avancer pas à pas vers la construction d'une paix solide et qui soit durable. La paix. Personne n'ose y croire, car ce n'est pas la première fois en effet que Théa annonce une trêve avant de reprendre l'action armée quelques mois ou quelques années plus tard. Mais ce jour-là, pour la première fois, aucune contrepartie n'est exigée par l'organisation terroriste, qui fait pourtant mauvaise pioche. Car ce 20 octobre 2011, tous les médias du monde entier ont les yeux rivés sur un autre événement, la capture de Kadhafi, lynché puis exécuté. C'est la fin de la dictature en Libye, et évidemment dans ce contexte, l'annonce de l'ETA ne pèse pas lourd. De toute façon, l'organisation armée n'intéresse plus. Elle apparaît même comme anachronique. Après la pacification de l'Europe occidentale, la chute de l'URSS et l'avènement du terrorisme islamiste, comment imaginer qu'en 2011, une organisation indépendantiste, d'inspiration marxiste, puisse espérer obtenir gain de cause par la violence armée ? Dessiné par les arrestations en série et la lutte sans relâche des polices espagnoles et françaises, l'ETA n'a plus d'avenir. En cette année 2011, elle apparaît comme une organisation de jusqu'au boutiste criminel. Au mieux, elle est considérée comme le vestige encombrant du romantisme révolutionnaire qui a animé de nombreux jeunes européens dans les années 70 et 80, au mieux, mais guère plus. C'est d'ailleurs lors de ces années, et notamment en 1973, que Théa avait gagné ses lettres noblesse révolutionnaire en perpétrant un attentat spectaculaire qui allait changer le cours de l'histoire en Espagne. Madrid, 20 septembre 1973, 9h30 du matin. L'amiral Carrero Blanco sort de l'église où il assiste, comme chaque jour, à la messe. Cet homme pieux et ponctuel, c'est le chef du gouvernement espagnol. Plus franquiste que Franco, l'homme de confiance des caudillos, il est celui qui sera chargé d'assurer la pérennité du régime après la mort du dictateur. Mais sa ponctualité va lui être fatale. Car au moment même où Carrero Blanco sort de l'église, un homme qui guette à la fenêtre d'un immeuble donne le signal à ses complices. Ils font tous partie du commando Ogre, surnom donné au chef du gouvernement. Et ils préparent depuis des semaines cette opération audacieuse. La cible, on l'aura compris, c'est Carrero Blanco. Les moyens, plusieurs dizaines de kilos de dynamite. Une charge d'explosifs considérable, placée dans un tunnel de 7 mètres de long que le commando a creusé pendant des jours, sous la chaussée. Un vrai travail de pro. Au bord de la Dodge 3700 GT du chef du gouvernement, on prit place un policier chargé de sa sécurité et le chauffeur qui démarre et emprunte l'itinéraire habituel. Bon, tout se déroule comme prévu. La Dodge arrive à hauteur du numéro 104 de la rue Claudio Coello. L'un des membres du commando déclenche le dispositif. La charge explose. La voiture est catapultée à plus de 30 mètres de hauteur. Elle s'écrase sur le balcon d'un immeuble pulvérisé. Carrero Blanco, son chauffeur et le policier qui les accompagnait meurent, évidemment, pendant leur transport à l'hôpital. Pour Franco, c'est la sidération. Le régime perd l'un de ses plus fidèles et fervents défenseurs. Le régime vacille. Mais qui est derrière cet attentat ? On pense d'abord à l'extrême-gauche et aux communistes. D'ailleurs, l'attentat a eu lieu un quart d'heure avant l'ouverture du procès de 10 ouvriers accusés d'association illicite. Mais après une semaine de flou et d'incertitude, des militants masqués organisent une conférence de presse en France pour revendiquer l'attentat. Patrick Poivre d'Arvor raconte l'histoire au micro de France Inter. Les services de la police judiciaire de Bordeaux sont en état d'alerte. Ils ont reçu pour mission de retrouver les 6 membres de l'État, l'organisation autonomiste basque. Les 6 membres qui, vendredi dernier, ont revendiqué l'assassinat de l'amiral Carrero Blanco. Plusieurs journalistes triés sur le volet avaient été conduits les yeux bandés dans une villa aux environs de Bordeaux et avaient assisté à une conférence de presse à laquelle participaient 4 hommes masqués qui donnèrent des détails extrêmement précis sur l'attentat du 20 décembre. Grâce à cette action spectaculaire, ETA se fait connaître dans le monde entier. L'opération Ogre permet à l'organisation indépendantiste basque de s'attirer les sympathies de nombreux partis de gauche et démocrates. Dans de nombreuses manifestations, notamment en France, on entonne même le slogan « Et hop, Franco, plus haut que Carrero », en espérant la mort prochaine du caudillo. Menée d'une main de fer par le dit Franco, l'Espagne est l'une des dernières dictatures d'Europe occidentale. Les actions armées d'ETA sont donc favorablement accueillies par une large partie de l'opinion publique européenne. Maintenant, pour comprendre comment ETA en est arrivé à assassiner le numéro 2 du régime, il faut remonter 15 ans plus tôt, en 1959. Cette année-là, de jeunes militants fondent cette organisation intrinsèquement anti-franquiste. Ils considèrent que le Parti National Basque, fondé en 1895, n'est pas assez virulent. L'avènement d'ETA va marquer un tournant dans les revendications indépendantistes qui vont peu à peu basculer dans la violence. Mais pourquoi, au juste ? Réponse d'un militant au micro de France Inter. Pendant la guerre d'Espagne, Mauriac, en écrivant sur la guerre d'Espagne, avait dit « Quand tout sera calme, c'est à ce moment-là que la force sera la plus forte. » Maintenant, ça semblait calme, 30 ans de paix en Espagne, c'est maintenant qu'on frappe le plus fort. Et on frappe le plus fort, surtout le peuple basque, petit en nombre, mais qui, grâce ou à cause de l'oppression qu'il subit depuis des années, surtout depuis le franquisme, oppression culturelle, oppression économique, oppression de toutes sortes, a pris une conscience de plus en plus forte de sa personnalité, de sa nationalité. C'est pourquoi on peut parler d'une lutte pour une nationalité basque. Cette lutte pour l'indépendance, les militants la paient au prix fort. Franco leur mène la vie dure. Et puis, il n'a pas oublié, Franco, que les Basques étaient du côté républicain pendant la guerre civile. Et il ne pardonne pas, pas le genre. Alors, il frappe, avec les moyens habituels d'une dictature. Et lorsqu'en 1968, le TA assassine le commissaire de police Melitón González, le régime franquiste se déchaîne. Arrestation, torture, exécution. Pas assez, en tout cas, pour décourager les états rats, non des militants de TA. Au contraire, ceux-ci considèrent que le Pays basque est sous occupation espagnole. La langue euskera est d'ailleurs interdite par le gouvernement de Madrid. Le 3 décembre 1970, le procès de Burgos s'ouvre et 16 militants de TA sont jugés. À Paris, une manifestation de soutien est organisée. Une équipe de l'ORTF est dans le cortège. Organisée par le Secours Rouge, la manifestation se déroule dans le calme. À la tête des manifestants, on reconnaît au passage Michel Rocard, secrétaire national du PSU, Alain Krivine, dirigeant trotskiste. On crie des slogans, Franco assassin, liberté pour les Basques, on entend aussi Franco, Marcelin, même combat. Comme d'habitude, la police est présente, équipée comme d'habitude. Les manifestations et la pression internationale permettent à 6 inculpés d'échapper à la peine de mort. ETA, chez qui la voie militaire a précédé la voie politique, continue ce qu'elle sait faire de mieux, assassiner et poser des bombes. Les états ne visent alors que les forces de l'ordre et les représentants du régime. Après le procès de Burgos en 1970 et l'assassinat de Carrero Blanco en 1973, l'organisation indépendantiste basque est au sommet de sa popularité internationale. Elle n'a pas tué Franco, mais elle a peut-être éradiqué le franquisme. En tuant Carrero Blanco, elle a éliminé en effet l'homme qui devait le perpétuer, ce franquisme, sous le règne de Juan Carlos. Le 20 novembre 1975, Franco meurt après une longue agonie. 2 jours plus tard, comme prévu, Juan Carlos est proclamé roi d'Espagne. Mais contre toute attente, le nouveau roi s'engage très rapidement et très clairement vers la démocratie. Ce qui n'empêchera pas ETA de poursuivre ses actions violentes. Elles vont même aller crescendo. La démocratie arrive en Espagne, les prisonniers politiques sont libérés. Entre 1976 et 1977, le Parlement espagnol vote une série de lois d'amnistie, série qui permet la libération de centaines d'États, y compris ceux impliqués dans des attentats mortels. Aussitôt libérés, plusieurs militants s'empressent de rejoindre de nouveau ETA. En parallèle des actions armées qui se poursuivent, la coalition indépendantiste Herri Batasuna, unité politique en basque, est fondée avec l'appui d'une partie de TA le 27 avril 1978. C'est la vitrine politique de TA. L'un de ses fondateurs, Telesfor Monzón, a été ministre de l'Intérieur du gouvernement autonome basque de 1936 et il affirme sur France Inter que la dimension terroriste de l'ETA est toute relative. Je suis absolument disposé à recevoir pour moi-même le nom de terroriste, mais à condition qu'on mette dans le sac à beaucoup de monde. Il faudrait mettre dans le sac à Moïse, à Général de Gaulle, Jean Moulin. Il faudrait mettre là aussi les Espagnols qui ont fait la résistance et les indépendantistes espagnols contre Napoléon. Enfin, il faudrait mettre beaucoup de monde. Parce que eux ont lutté pour la liberté, je suis d'accord. Nous autres aussi, nous luttons pour la liberté. Ils ont lutté contre l'occupation de l'étranger. Nous autres aussi, nous luttons pour l'occupation de l'étranger. Alors, je suis absolument disposé à rentrer dans le sac des terroristes. Mais pas tout seul. Pour de nombreux États, la situation n'a pas changé avec la démocratisation. Les policiers, après tout, sont les mêmes. Ils répriment toujours aussi durement les manifestations. Et l'ETA ne peine pas à recruter dans ses rangs des volontaires prêts à se sacrifier pour la cause. Malgré le risque d'être emprisonné ou tué, les jeunes basques s'engagent massivement dans la lutte. Le mot d'ordre est toujours le même, indépendance. Radio Saint-Sébastien, 5 décembre 1978. La veille du référendum sur la nouvelle constitution espagnole, l'ETA interrompt les programmes pour délivrer un message. Ici la voix de l'ETA. Nous sommes obligés d'user de la violence révolutionnaire pour la conquête de notre liberté. ETA, l'organisation armée pour la révolution basque, demande à tous les travailleurs basques de voter non à la constitution espagnole parce qu'elle ne nous concerne pas. Près d'un an plus tard, un deuxième référendum est organisé. Cette fois, la question est celle de l'autonomie du Pays basque. Une nouvelle fois, Herri Batasuna et ETA appellent à voter non. De son côté, le Parti national basque fait campagne pour le oui, qui l'emporte d'ailleurs, avec plus de 90% des suffrages exprimés. Grâce au statut d'autonomie de Guernica, la communauté autonome basque est créée. Elle dispose désormais de compétences élargies en matière d'enseignement, de fiscalité et de police. Le drapeau et l'hymne basque sont reconnus et l'euskera devient langue officielle. C'est beaucoup, mais rien n'y fait. ETA poursuit son combat. 1980 sera d'ailleurs l'année la plus sanglante de toute l'histoire de l'organisation, avec une centaine de morts. ETA fait régner la terreur dans les villes et villages du Pays basque. Alors que les premiers États se finançaient en braquant des banques, ETA a très vite mis en place un système d'impôts révolutionnaires, autrement dit, soyons clairs, du racket systématique de toutes les entreprises présentes sur le territoire basque. Un chef d'entreprise témoigne d'ailleurs dans l'émission « Vécu » de France Inter. J'ai reçu une lettre des d'État et me disait que je devais payer 5 millions de pesetas ou bien en francs français. Si, et je devais payer cet argent en France, à Saint-Jean-de-Luz ou à Biarritz ou à Bayonne. Et que si je ne payais pas, c'était un pot révolutionnaire, ils m'exécutaient. Mais je vous répète, je ne tiens pas du tout à parler de cette affaire parce que vous comprenez que ma vie et la vie de mes familles est en jeu. Non, c'est très très sérieux. Oui, une affaire très sérieuse, prise pourtant très à la légère par un militant d'ETA, qui confirme le mode de fonctionnement. Quand ils ne veulent pas payer leur impôt révolutionnaire, qu'est-ce que vous faites? Vous les tuez? Non, pas nécessairement, pas nécessairement. Entre la mort et les laisser sans rien faire, il y a beaucoup de possibilités. Entre elles, par exemple, le bal à la jambe, etc. Une loi de la terreur et une omerta qui fonctionne. Tout le monde paye et personne ne parle. Les chefs d'entreprise traversent les Pyrénées pour apporter des valises de billets à Saint-Jean-de-Luz, Biarritz ou Bayonne. Car c'est bien en France que la plupart des membres d'ETA se cachent. Ils disposent chez nous d'une tranquillité, d'une impunité certaine. Alors, le Pays basque français fait figure de sanctuaire pour l'organisation indépendantiste. Évidemment, l'État espagnol ne l'entend pas du tout de cette oreille. Et t'as dit Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta elección. Décembre 1982. Felipe González, leader du Parti Socialiste, PSOE, devient chef du gouvernement espagnol. Et il est bien décidé à en finir avec ETA. Et pour cela, il est prêt à employer tous les moyens, quitte à basculer dans l'illégalité, on va le voir. En ce début des années 80, l'Espagne et la France sont dirigées par des gouvernements socialistes. Une situation idéale pour la coopération entre les deux pays. Felipe González, le nouveau chef du gouvernement espagnol, compte donc sur l'aide de François Mitterrand pour arrêter et extrader tous les militants de ETA qui mènent une vie paisible, reconnaissons-le, dans le Pays basque français. Le problème, c'est qu'à Paris, les États jouissent encore d'une bonne image. Grâce à ses actions antifranquistes et à l'assassinat de Carrero Blanco, ETA dispose en effet d'une rente qu'on pourrait qualifier de symbolique, autrement dit la sympathie de la gauche française. Lassé par l'attentisme français, Felipe González va confier à son ministre de l'Intérieur, José Barrio Nuevo, une mission. S'occuper des militants d'ETA présents en France. Autrement dit, les assassiner. Pour cela, des commandos clandestins vont être créés, regroupés sous un nom, les GAL, pour Groupe Antiterroriste de Libération. Dans ces commandos indépendants les uns des autres, on retrouve des barbouzes, des trafiquants de drogue, des néo-nazis barcelonais, des truands du milieu marseillais, ex-membres du SAC, des anciens de la Légion étrangère, une belle engeance. De 1983 à 1987, les GAL vont assassiner 27 militants de ETA sur le sol français, dont plusieurs citoyens tranquilles, abattus par erreur, oui, par erreur. La jeune démocratie espagnole bascule alors dans le terrorisme d'État. Toutes ces actions illégales ont un double objectif, affaiblir ETA et faire réagir la France. À Paris, les assassinats des GAL et l'importation du conflit sur le territoire français commencent sérieusement à faire grincer les dents. Mais Paris ne condamne pas directement Madrid. Le gouvernement socialiste français commence au contraire à réviser sa position vis-à-vis d'ETA. Et les expulsions de militants débutent en 1984, en partie grâce aux tractations de Felipe González avec son ami François Mitterrand. Pour autant, c'est avec l'arrivée de Jacques Chirac, en 1986, à Matignon, que la donne va vraiment changer. Le nouveau ministre de l'Intérieur s'appelle Charles Pasqua, et il est bien décidé à terroriser les terroristes, comme il le disait. Les arrestations en série commencent, et comme par hasard, on n'entend plus parler des GAL. ETA compte désormais un nouvel ennemi, la France. En Espagne, l'organisation armée poursuit ses attentats, mais elle ne vise plus seulement les militaires, elle opère sur tout le territoire espagnol. Le 17 juin 1987, un commando s'en prend aveuglément à la population civile. La bombe avait été placée là pour tuer. 16h15 cet après-midi, une explosion se produit dans le parking du supermarché Hypercor de Barcelone. C'est le début du week-end. Une heure à laquelle chacun va faire ses courses en famille. Les victimes sont d'ailleurs des clients du supermarché. L'explosif aurait été dissimulé dans le coffre arrière d'une voiture, une méthode déjà utilisée dans d'autres attentats à Barcelone. Quelques instants avant l'explosion, un correspondant anonyme avait prévenu la rédaction d'un quotidien catalan. Une bombe allait exploser dans le supermarché. Un correspondant qui affirmait parler au nom de l'organisation indépendantiste basque ETA militaire, l'ETA, pour qui Barcelone, à 5 ans des Jeux Olympiques, semble constituer une cible de choix pour tenter de déstabiliser l'État espagnol. C'est l'attentat le plus sanglant d'ETA. 21 morts, 45 blessés, tous civils. L'opinion publique est profondément choquée. C'est un tournant dans l'histoire de l'organisation. Des milliers de Barcelonais manifestent dans la rue contre le terrorisme avec des slogans comme « ETA dehors » et « Nous voulons la paix ». L'action est si odieuse que quelques jours après l'attentat, ETA publie des excuses dans un communiqué. Mais 6 mois plus tard, elle récidive. Le 11 décembre 1987, une voiture piégée explose près d'une caserne de la garde civile à Saragosse. La déflagration tue 11 personnes, dont 5 enfants. ETA apparaît alors comme une garnison de psychopathes. En tout cas, c'en est trop. Avec l'aide des Français, la police espagnole intensifie son action antiterroriste. En 1992, l'Espagne doit accueillir deux événements majeurs. les Jeux Olympiques d'été à Barcelone et l'exposition universelle à Séville. Les autorités, bien sûr, redoutent un attentat. Mais cette année-là, le 29 mars, les Espagnols vont recevoir une bonne nouvelle venue de France. La veille, en effet, les policiers français ont pris en filature un membre de TA. Ils l'ont suivi jusqu'à Bidart, dans le Pays basque français. Etara s'est arrêté dans une propriété de la commune. Le lendemain, lorsque les policiers prennent d'assaut la villa, ils surprennent une réunion secrète de l'organisation terroriste. C'est le jackpot. Tous les chefs sont là. Alors ils sont tous interpellés, sans un coup de feu. Dans les filets de la police française, on retrouve notamment Francisco Mujica Garbienda, alias Artapalo ou Paco. Cet homme de 38 ans, qui a toujours échappé à la police, est le numéro 1 d'OTA. Tenant d'une ligne dure, il est profondément hostile aux négociations avec Madrid. Et c'est lui qui coordonne les attentats. La police française a également mis la main sur deux autres responsables d'OTA, José María Arregui et Rostarbe, alias Fiti, responsable de la formation des commandos et des artificiers, et José Luis Álvarez Santa Cristina, dit Chelis, un universitaire présenté comme l'animateur de la branche politique. La Troïka, qui dirigeait ETA, est désormais aux mains de la justice. L'organisation basque est décapitée. Madrid peut respirer. Pourtant, à Paris, le ministre de l'Intérieur, Philippe Marchand, préfère rester prudent. Nous savons par expérience qu'on n'atteint jamais pleinement ce type d'organisation et que par conséquent, il ne faut pas oublier que la vigilance doit demeurer, qu'il n'est pas impossible, que ces responsables, même si le TA est fortement touché, qu'en ce qui concerne ses responsables, leur arrestation ne suffise pas à réduire totalement l'activité de ces terroristes. Le ministre français avait vu juste. Le TA, c'est comme l'hydre. Décapiter la tête du réseau ne suffit pas. Fort de ses revenus financiers réguliers obtenus grâce aux raquettes des entreprises, l'organisation peut aussi compter sur son attractivité auprès des jeunes basques pour se régénérer. Malgré les 800 prisonniers incarcérés dans 85 prisons françaises et espagnoles, ETA reste toujours une menace. En 1996, après 14 ans de pouvoir socialiste, José María Aznar, le chef du Parti Populaire, donc la droite, prend la tête du gouvernement espagnol. Il tente à son tour de régler le problème de TA en proposant des négociations, et là encore, sans succès. De son côté, l'organisation terroriste fait du chantage au gouvernement espagnol en enlevant un fonctionnaire pénitentiaire, José Antonio Ortega Lara. Il ne sera libéré qu'à une condition. Que tous les prisonniers de TA, dispersés aux quatre coins d'Espagne, soient rassemblés dans des prisons du Pays Basque. Le gouvernement ne cède pas, et la guerre civile parvient à libérer José Antonio Ortega Lara après 532 jours de séquestration. 532 jours dans ces conditions-là, l'homme, qui ressort quasiment squelettique de ce calvaire, était détenu dans une cage en sous-sol de 3 mètres de long et 2,50 mètres de large. Quelques jours après la libération de l'otage par la police, ETA persiste en procédant à un autre enlèvement. Cette fois, il s'agit de Miguel Ángel Blanco, un jeune conseiller municipal du Parti Populaire. Mais l'organisation terroriste fixe un ultimatum de 48 heures au gouvernement pour le regroupement des prisonniers basques. Cet enlèvement choque toute l'Espagne avec son ultimatum. Pour la première fois de l'histoire, 500 000 personnes descendent alors dans les rues de Bilbao pour exiger la libération de Blanco. À la tête du cortège, le chef du gouvernement, José María Aznar, qui n'accepte pas le chantage de TA. Au bout de l'ultimatum, l'organisation terroriste met ses menaces à exécution. Il est un peu plus de 17h lorsque Miguel Ángel Blanco est retrouvé dans un bois, blessé de 2 balles dans la tête et les mains liées dans le dos. Très vite transporté à l'hôpital de Saint-Sébastien, il sombre dans un coma profond. L'Espagne ne comprend pas, l'Espagne est en colère et les Espagnols se rassemblent dans toutes les villes du pays depuis hier pour dénoncer les méthodes et les agissements de l'ETA. L'assassinat de Miguel Ángel Blanco, décédé la nuit dernière, a constitué un électrochoc. Même un militant de l'ETA, condamné à la prison à perpétuité, a fait savoir qu'il entamait une grève de la faim, un sacrifice, dit-il, pour la concorde et le respect mutuel. À Pamplune, la grande fête, la feria, est suspendue jusqu'à demain et des affrontements violents ont opposé sympathisants de l'ETA et manifestants. La mobilisation n'a jamais atteint un tel niveau. ETA est devenu l'ennemi de tout un peuple, espagnol en l'occurrence, un peuple qui n'a plus peur de le dire. En septembre 1998, l'organisation indépendantiste annonce une trêve illimitée et entame des négociations avec le gouvernement espagnol. Mais après plus d'un an de tractations, les négociations sont rompues et les attentats reprennent. Et ETA assassine le journaliste José Luis de la Calle devant son domicile le 7 mai 2000. Gorka Landaburu, lui aussi journaliste, réagit à ce crime. C'est tout d'abord un crime exécrable, incompréhensible et même, je dirais, un crime fasciste parce que cette fois-ci, l'ETA a attaqué directement un journaliste, donc a attaqué la liberté d'expression. C'est assez dur, on est encore sous le choc, non? Parce que José Luis López de la Calle, que je connaissais parfaitement d'ailleurs, a été en prison avec Franco il y a plus de 30 ans. Il a fait 5 ans de prison parce qu'il militait pour la liberté, il militait pour la gauche, il était du Parti communiste et du syndicat Comisiones Obreras et il a toujours également, bon, lutter pour la liberté d'expression surtout, toujours dans sa vie, mais actuellement. Alors Franco l'a mis en prison, et ce qui est encore plus triste, c'est que l'ETA l'a tué 25 ans après. Et je suppose que ceux qui ont commis cet attentat, le commando de l'ETA, ils devraient avoir dans les 25, 27 ans, ou 30 ans, je ne sais pas, donc ils ont à peine connu Franco. En 30 ans, ETA est passé de la lutte anti-franquiste à l'assassinat de journalistes. Mais où est le sens de tout cela ? En ce début de millénaire, alors que le terrorisme islamiste frappe les États-Unis le 11 septembre 2001, l'organisation basque continue de croire à l'obtention d'indépendance par la violence armée. Mais l'opinion publique, elle, n'en peut plus de ces morts qui se succèdent. Les polices et justice espagnoles et françaises mènent un travail sans relâche pour arrêter les étarras et perquisitionner les caches d'armes. En 2004, José Luis Zapatero, chef du Parti Socialiste, arrive au pouvoir. Et il tente à son tour de lancer des négociations avec ETA qui annonce un cessez-le-feu permanent. Nous sommes le 24 mars 2006. Mais le 30 décembre de la même année, une bombe explose à l'aéroport de Madrid. Deux Équatoriens sont tués et les négociations sont stoppées. Les efforts de la police paient et les arrestations se succèdent. Le 5 septembre 2010, ETA annonce à nouveau cessez-le-feu avant de diffuser un an plus tard la vidéo confirmant, cette fois, l'arrêt définitif de la lutte armée. Voilà, ETA, pour des millions d'Espagnols, ces trois lettres ont été synonymes d'une guerre sans fin. Après des dizaines de trêves, toujours avortées, les citoyens n'osaient plus croire en la paix. Le 3 mai 2018, là, cette année, un communiqué de l'organisation annonce « ETA, Organisation Socialiste Révolutionnaire Basque de Libération Nationale, veut informer le peuple basque de la fin de son chemin. » Un chemin dramatique pour les 829 victimes de l'organisation. ETA, qui n'a jamais rien obtenu politiquement, qui a été défaite militairement, aura tué 90% de ses victimes après la mort de Franco. Pendant longtemps, son étiquette d'organisation anti-franquiste lui a permis d'obtenir un large soutien. A posteriori, le bilan de son action apparaît comme l'un des grands traumatismes, en fait, de la période post-franquiste. Mapucheak erran erantzun duelazko garelako erantzun duelazko garelako erantzun mapucheak erran mapucheak erran erantzun duelazko garelako erantzun duelazko garelago erantzun emaidazu eman artoaren boro arantzik gabeko lurra amar korrik alari aroko bizirik amar bider garaie amar zugeta oandre mapucheak erran mapucheak erran erantzun duelazko garelago erantzun duelazko garelago. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire tragique de Théa et de toutes ses victimes. Nos invités aujourd'hui, car nous avons deux invités. Mireille Lemarès, qui est tout d'abord en studio ici. Bonjour Mireille. Bonjour Fabrice. Ancienne correspondante pour Radio France à Madrid. Et Gorka Landaburu, journaliste et directeur de l'hebdomadaire espagnol Cambio 16. Bonjour Gorka. Bonjour Mireille, bonjour Fabrice, et félicitations pour ce grand reportage que vous venez de faire. Merci, nous sommes sensibles à ce que vous dites, comme les affaires que nous traitons d'ailleurs. Alors, Gorka, puisque vous avez pris la parole, je vais vous la laisser. Je rappelle que vous avez reçu un colis piégé, vous, en 2001. Vous avez perdu des phalanges et l'usage de l'œil gauche. Dans un communiqué publié le 20 avril dernier, donc on rappelle, ETA a demandé pardon aux victimes de ces violences. Qu'est-ce qu'une victime répond quand une organisation terroriste et une bande de tueurs, finalement, veut dire pardon à ses victimes? Je crois qu'il faut préciser que ce communiqué de l'ETA et de pardon de l'ETA ne visait que des victimes collatérales. Dans le langage de l'ETA, il faut bien comprendre que c'est assez compliqué, mais il y avait cette espèce de pardon, effectivement, bon, des victimes collatérales. N'oublions pas que cette organisation a tué près de 900 personnes, plus de 4000 personnes ont été blessées, sans compter le racket de plus de 10 000 personnes pendant toute cette affaire. Donc, le pardon n'est pas reconnu par la plupart des victimes, parce que ce n'est pas un pardon réel, c'est un pardon de circonstance, à un moment donné où l'ETA s'est dissout définitivement. Alors, ce qui est frappant, et quand on raconte cette histoire, c'est à chaque seconde on est frappé par ça, c'est que finalement, par cette violence, ETA n'a vraiment rien obtenu. Ce que les Basques ont obtenu dans la reconnaissance de leur culture, et ça, après tout, c'est une revendication politique, donc acceptable en démocratie, on en discute, voilà, ça marche ou ça marche pas. Ben finalement, ils l'ont obtenu par la négociation politique. Rien par cette violence. Comment se fait-il que les gens, leaders d'ETA, aient continué dans cette voie? Ils sont pas des imbéciles non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, vous l'avez très bien précisé lors du reportage, il y a l'ETA romantique, l'ETA du début, des années 60, des années 70. Moi-même, j'ai participé, ça m'a fait sourire d'ailleurs, quand vous avez cité la manifestation contre le procès de Burgos à Paris, cette manifestation organisée par Secours Rouge. Ensuite, il y a une grande manifestation aux Champs-Élysées, 60 000 personnes. Là, j'y étais également, parce que j'habitais encore à Paris. C'était, bon, l'ETA, on était tous sous le charme de cette organisation, parce qu'elle était anti-franquiste, bah oui, plus qu'indépendantiste. Donc, il y avait beaucoup de gens qui appuyaient, effectivement, face à Franco. Ce procès de Burgos a été très significatif. Et ce romantisme, cette nostalgie, l'ETA l'a conservé même quand et après que la démocratie se soit installée en Espagne. Mais il y a une chaîne qui explique un peu tout. L'ETA a tué plus de 90% de ces attentats, et des gens qui ont été assassinés, l'ont été pendant la démocratie en Espagne. Mmh. Et donc ça prouve bien que l'ETA, bon, a pris cette dérive terroriste, il faut employer les mots comme ils sont. Hein, on parlait de séparatistes, moi je discutais souvent avec la presse française à l'époque, on parlait de groupes séparatistes, etc. Non, c'était pas des groupes séparatistes, c'est des groupes terroristes lorsqu'on tue des gens, des civils, même des policiers ou des militaires, mais tout le monde a été touché. Tout le monde a été visé aux Pays-Bas, surtout dans les années 80 et dans les années 90. Alors Gorka, on va laisser la parole à Mireille, justement sur ces tempos différents. Il y a le premier tempo alors que Gorka qualifie de révolution, on va pas révolution, bah oui, c'était mais action romantique, voilà, c'était le groupe anti-franquiste, okay. À fait. Et puis il y a trois tempos en fait. Après, bon, il y a la lutte contre l'État espagnol qui était devenu une démocratie, et Gorka le dit, c'est là où il y a eu le plus de victimes. Et ensuite, à partir des années des années 95, étaient visées, les cibles étaient beaucoup plus basques. C'est-à-dire les élus basques, les policiers basques, des journalistes basques. Et puis ce qui a marqué surtout la population basque et la population espagnole, c'est l'enlèvement de Miguel Ángel Blanco, cet élu municipal de la localité d'Hermua, je me souviens, j'étais là, et qui a été enlevé, qui a dans été exécuté. Dans des conditions terribles aussi. Terrible, 532 un jours élu. Dans une cave, enfin, un truc. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ça, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Miguel Ángel Blanco. Oui. Ah bon, ouais. Non, qui était un jeune élu, qui avait un ultimatum de 48 heures, et ils l'ont exécuté. Ouais. Et là, il y avait tout le monde dans la rue. Hein, tout le monde dans la rue au Pays Basque et en Espagne. Alors, celui qui est resté 530 jours dans une cave, là aussi, 532 jours, Antonio Ortega Lara. Voilà. D'accord, ouais. Il ressort quasiment squelettique d'un long calvaire. Ça aussi, les gens et les Basques sont vous savez, choqués. Dans les années 90, moi j'étais correspondante à Madrid, il y avait des manifestations, dès qu'il y avait un attentat de l'ETA, les gens sortaient avec les mains peintes en blanc en disant « les mains blanches hein. ». Et il y a les manifestations au Pays Basque aussi. Ce qui est quand même, on n'en parle pas dans votre reportage, mais il y a eu ce qu'on a appelé la calle Borroca, c'est-à-dire comme une sorte de violence urbaine, avec la troisième génération de cette organisation, qui était pas des idéologues. Au début, c'était des idéologues qui avaient un combat politique, armé, mais politique. Là, c'était plus le cas. Et c'était des petits mafieux. Des petits mafieux qui, jusqu'à la fin, la dernière période de l'ETA, c'est eux qui ont semé la terreur, qui ont enlevé l'impôt révolutionnaire, les menaces, les violences dans la rue la nuit, à Bilbao ou à Saint-Sébastien, ou dans les petites localités. Les juges qui étaient menacés, etc. Gorka, la population considérait ETA comme une organisation utile parce que elle voulait l'indépendance du Pays Basque, la reconnaissance de la culture basque, ou est-ce que ça devenait vraiment gênant pour les citoyens basques? Comment ils réagissaient? Il faut dire que lorsque le Pays Basque, et vous l'avez précisé également dans le reportage, obtient par référendum le statut d'autonomie, qui est un statut qui donne énormes compétences au Pays Basque, non seulement la police, sinon la culture, l'éducation, la santé, les impôts sont récoltés par le Pays Basque. C'est ce que demande la Catalogne aujourd'hui. Oui, ils n'ont pas voulu quand on leur a proposé il y a quelques années. Maintenant, ils le regrettent amèrement. Hein. Mais donc c'était l'autonomie la plus grande qu'il y avait dans toute l'Europe, beaucoup plus qu'en Allemagne, etc. Donc là, il y avait la majorité des Basques, vous l'avez dit, 90% dit oui à ce statut et on commence à avancer. Et tout ce qui fonctionne au Pays Basque, qui est un gouvernement au sein d'un gouvernement, a été approuvé par la majeure partie. Et les gens, depuis le début des années 80, commençaient à repousser de plus en plus dans le théâtre. Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y a eu le silence. Il y a eu le règne de la peur. L'omerta. Le règne, exactement, de la terreur. Des gens, des familles qui étaient divisées, des amis qui n'osaient pas parler de politique. Moi, j'ai vécu toujours au Pays Basque, vécu beaucoup de reportages. Je me rappelle plus le journaliste, mais un journaliste François était venu dans les années 80 me voir et me dit, Gorka, essaye de m'expliquer un peu ce qui se passe. Il y avait des manifestations partout. C'était au début de la transition démocratique. On réclamait l'amnistie. Et il me disait, pourquoi les gens au Pays Basque, dans les bars, il y en a qui parlent tout bas, et d'autres qui parlent très très fort. Je dis, ceux qui parlent très fort, ils parlent de football, de l'Atlético de Bilbao ou de la Real Sociedad. Ceux qui parlent tout bas, ils parlent de politique. Donc il y a eu cette peur généralisée, des impôts révolutionnaires mal employés, parce que c'est du racket dur et pur, qui a touché tous les chefs d'entreprise, des moyennes, des professions libérales. Des gens recevaient des lettres, et s'ils ne payaient pas, ils recevaient une deuxième lettre. Moi j'ai un cousin qui a reçu une lettre, et la troisième lettre, on lui disait, si tu paye pas, je sais où ta femme va chez le coiffeur et je sais à quelle école vont tes enfants. Donc à la fin, les gens payaient, ils passaient la frontière. Après, c'était plus difficile une fois que le sanctuaire a disparu, qui était une chose très importante. Mais disons que ce racket, cette pression sur la population, on regardait à droite, on regardait à gauche. Il y avait très peu de gens qui osaient sortir dans la rue avec Cristo por la Paz, dans lequel moi j'ai participé, en silence pendant plus d'un an et demi tous les lundis pour protester et condamner l'enlèvement de M. Ortega Lara. Mais on était très peu dans la rue. Les gens préféraient regarder de l'autre côté. C'est la peur. Mais j'entends bien, je comprends bien. Mireille Lemazé. Oui, pour poursuivre dans ce que dit Gorka, moi je me souviens en 98 être dans l'un des reportages que je faisais au Pays Basque, on nous donnait rendez-vous chez le juge pour des interviews en fermant à clé le cabinet du juge. Parce qu'on était menacés. Et moi, je me promenais au Pays Basque en cachant mon magnétophone et mon micro. Parce que je savais que dans des petites localités comme Hernani ou autres, là près de Saint-Sébastien, on était très très mal vus. Cette tension, elle existait. Elle existait et c'était pesant. Et en même temps, il y avait une certaine banalisation. Moi, je me souviens être un jour allé à Saint-Sébastien où il y avait une explosion. Donc, un attentat qui n'avait pas fait de victime. Et je voyais les gens qui étaient à la terrasse des cafés qui continuaient à manger leur glace. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas Beyrouth. Ça veut dire, c'est pas la banalisation du terrorisme. De la violence. De rue. Mais c'est vrai que pendant des décennies, c'est ce que raconte Gorka, hein, c'était l'omerta et en même temps la tension. Alors, il arrive un moment... N'étaient pas normaux. Mireille, il arrive un moment, effectivement, où cette tension, elle devient très dure. Et est-ce qu'on peut... Alors, Gorka peut aussi répondre. Est-ce qu'on peut considérer que l'attentat contre Hypercor, l'hypermarché Hypercor, à Barcelone, en 87, a été l'action de trop, celle qui a fait vraiment basculer l'opinion publique parce que c'est la population civile, là. C'est plus les militaires, c'est plus la guardia civile, c'est plus les policiers. C'est les civils qui vont au supermarché avec leur famille. Hein. Gorka, vous êtes d'accord? Ce qui fait basculer, c'est un des points de départ très importants. Oui. Là où la réaction est réelle, surtout à Barcelone, surtout que ce sont des civils, et que à partir de ce moment, c'est les civils qui vont payer. Et donc les gens commencent à réagir, on sort dans la rue. Et au Pays Basque, on sort finalement dans la rue pour protester et dire « Bastaya le théâtre ». Ensuite, le deuxième point très important et qui fait basculer un peu toute cette histoire, c'est l'attentat de Miguel Ángel Blanco que vous avez raconté. Mmh. Ce jeune conseiller municipal de Eibar qui est assassiné après un ultimatum de 48 heures. Et à partir de là, je crois que les gens commencent à réactionner en disant « Au Pays Basque ». La société civile réagit et dit « Non à l'ETA, dit Bastaya, et c'est là où l'ETA va commencer à perdre sa bataille interne, sa bataille de lutte armée, et va disparaître en 2011. Mireille Lemaresqui et Gorka Landaburu, on se retrouve dans 3 minutes, après avoir écouté Delgrès, bat-moi une chanson. Sensible, Fabrice Drouel. Je voudrais pas qu'on passe à côté, qu'on oublie un événement très important dans lequel l'ETA a été mêlée, mais de façon non justifiée, justement. Alors, c'était le 11 mars, le jour des attentats à Madrid, 191 morts, je le rappelle, très vite, José María Aznar, le chef du gouvernement espagnol, désigne ETA comme responsable et comme elle a une très, très lourde faute politique. Jeudi dernier, 7h30, 10 bombes viennent d'exploser à Madrid. Quelques heures plus tard, le gouvernement accuse l'organisation séparatiste basque ETA d'être responsable des attentats. Pourtant, la plupart des journalistes savent déjà que cette camionnette a été retrouvée, avec à l'intérieur 7 détonateurs et une cassette du Coran. Mais l'information, étrangement, ne sort pas. Exemple à l'agence de presse EFE. Les journalistes sont furieux après leur directeur qui les a censurés. Samedi, 3 jours plus tard, notre directeur lance un communiqué faux en affirmant qu'on écarte l'hypothèse Al-Qaïda et que toutes les pistes aboutissent à ETA. Cette censure s'explique. Jeudi midi, José María Aznar en personne appelle les directeurs des principaux journaux du pays. José María Aznar a appelé le directeur de notre journal pour lui dire que ETA était l'auteur de l'attentat et qu'il ne devait pas croire à d'autres hypothèses. Voilà, peut-être fallait-il pour le gouvernement espagnol ne pas reconnaître que le fait d'avoir, avec les Américains, envahi l'Irak pouvait être dangereux et provoquer des attentats. Hein, il s'agissait de ne pas reconnaître sa responsabilité. Exactement. C'est le théâtre. Et ça a coûté l'élection de Aznar. Parce que on était à l'avant-veille des élections. Mmh. Et donc, et c'est la première fois que les réseaux sociaux ont vraiment fonctionné en Espagne. C'est-à-dire que sur tous les réseaux sociaux, les jeunes se donnaient rendez-vous, notamment les jeunes, devant le siège du Parti Populaire. Et ça a été l'échec d'Aznar aux élections. Mmh. Parce qu'il avait menti au peuple espagnol. Ah, c'est moins qu'on puisse dire. Gorka Landaburu, je vais vous laisser le mot de la fin. Une petite minute, hein, pas plus. Sinon, on sera dans les cordes, comme on dit. Ouais. Vous êtes journaliste. Vous êtes penché vraiment sur le problème des Basques qui ont eu peur. Cette période noire et de cauchemar. Vous avez été touché aussi dans votre chair, hein, par cette affaire-là. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a changé, j'imagine? Ça a changé l'homme que vous étiez? Quels sont vos souvenirs? Comment vous ressentez tout ça aujourd'hui? Non, parce que moi, ça m'a pas changé. Ça m'a donné beaucoup plus de conviction qu'il faut toujours lutter pour la liberté. Il faut lutter également pour la liberté d'expression, pour le respect de chacun. Moi, je proviens de l'exil. Je suis né à Paris. Mes parents étaient exilés du franquisme. Et donc, à partir de là, moi, je continue. Et on continue à travailler pour que la paix s'instaure définitivement en Pays Basque, qui est la concorde. Il ne faut pas oublier. Nous n'allons pas oublier ces années noires de cauchemar qu'on a vécu pendant très, très longtemps. Et donc, ma réaction est claire. De la même manière que lorsque j'ai reçu ces 100 grammes de dynamite que j'ai, ce colis piégé que malheureusement j'ai ouvert, mais fort heureusement je suis en vie, j'ai dit je reste au Pays Basque. Mes parents sont partis à cause de Franco. Moi, je ne quitterai pas le Pays Basque. Et vous êtes encore à cause de le faire. Voilà. Et donc, on reste ici et on continue à travailler pour la concorde et la convivance. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Pardon de vous bousculer, Gorka, mais l'heure, c'est l'heure. Merci infiniment, Gorka Landaburu, notre confrère, et bien sûr Mireille Maresquier, notre consoeur. Merci à tous les deux. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'ETA, la guerre sans fin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Vuillet.